Il est déjà 17h12 minutes. Raymond Poirier est avec nous au bout du fil pour la chronique de technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette fois-ci, tu nous parles en direct de l'ITIS justement et tu fais un retour sur Technoculture. Exactement, c'est une activité, une après-midi de réflexion qui avait été organisée par le Centre local de développement de Québec et par la VTIC, la Voix des entrepreneurs en pays de Québec. Et c'est un peu dans l'idée, en fait, d'essayer d'amener d'un côté les gens du milieu de la recherche, du milieu de la culture en général, des entreprises technologiques également. Donc, ces trois groupes-là, de les amener à échanger, à réfléchir sur globalement le projet et le concept de technoculture. Et bien entendu, c'est quand même un concept assez large. Et parallèlement, l'esprit de la rencontre n'était pas non plus d'organiser une série de conférences prédéterminées, n'était pas non plus d'offrir un contexte de réseautage forcé, entre guillemets, mais vraiment, en fait, d'amener les participants à proposer des sujets qui les intéressaient et à les proposer aux autres participants. Et donc, ce qui fait que en trois périodes, en cours d'après-midi, bien, il y avait eu trois rondes d'à peu près 8 ou 9 ateliers qui regroupaient eux-mêmes entre 5 et 35 personnes qui avaient envie d'échanger sur cette thématique-là de manière spécifique. Et donc, ce qui fait, au bout du compte, qu'on en vient à regrouper les gens un peu par intérêt, par perspective. Je te donne quelques exemples, si tu veux, de sujets qui étaient abordés, autant des projets comme un festival de technoculture ou la place de technoculture, autant des thématiques qu'on a l'occasion d'aborder de notre côté au fil des chroniques, comme la question de la gamification, par exemple, autant des réflexions au niveau de collaboration, d'échange entre les milieux techno-culture, entre les milieux culturels et entreprises, entre la recherche et les milieux culturels ou entrepreneuriaux. Il y en a d'autres qui proposaient des idées aussi. Exemple, il y avait quelqu'un qui a lancé l'idée d'une géolocalisation musicale. Exemple, tu as dans ton téléphone un élément de géolocalisation logiciel qui te permet, quand tu t'arrives dans une ville, dans un quartier, ben, d'avoir accès à une banque d'artistes qui y vivent ou qui y produisent. Donc, pour te permettre de profiter également au niveau des oreilles du voyage et du dépaysement qui est accompagné parfois par des visites dans certains secteurs. Mais c'est parfait, moi je veux ça. Et vraiment, tu as participé à trois ateliers, toi? Oui, en fait, ça fallait faire des choix, c'est toujours complexe. C'est donc, on y va un peu selon nos intérêts, selon les perspectives. Et bien entendu, en fait, il y avait un atelier où le défi était justement d'essayer de trouver un espace de création, un espace de recherche dans une fonction un peu plus libre qui est animée par un des chercheurs qui est affilié à l'ITIS, Robert Fagui, du Laboratoire des nouvelles technologies des arts de la scène, de l'image et du son, le Dentis. Et qui lui se pose un peu la question, quelle place pour la recherche là-dedans et quelle place, en fond, pour la recherche en création dans un but purement axé sur la recherche elle-même, parce que c'est un peu un constat qui s'est aussi qui ressortait des participants. L'innovation, quelle qu'elle soit culturelle ou entrepreneuriale, ressort aussi de la prise de risque. Et donc, si on développe toujours la recherche en fonction et la création culturelle en fonction d'un produit à atteindre et qu'on ne crée pas pour créer, qu'on ne cherche pas pour chercher, éventuellement, ce qu'on trouve est peut-être un peu plus convenu, entre guillemets. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de surprise possible, il n'y a pas d'autres applications où le champ d'application de ce qui est créé est peut-être un peu plus restreint que si on se lance un peu plus au hasard et qu'on laisse l'opportunité ensuite à d'autres de trouver soit des applications autres à ces recherches-là, soit des retombées autres que celles qu'on avait peut-être imaginées à un moment donné de ces travaux-là. Et donc, il y a la recherche pure qui se fait dans différents domaines, mais ce qui semblait ressortir, c'est qu'au niveau culturel, il n'y en a pas qui osent tant que ça, justement, faire de ce type de recherche-là, peut-être faute de financement, faute de support aussi, et faute peut-être aussi de réelle collaboration entre chercheurs, artistes et entreprises pour se donner l'opportunité de partager ces recherches-là ou de les bonifier aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas un réflexe non plus qu'on a de se dire, bon, ben tiens, toi, tu fais dans un domaine connexe au mien, assoyons-nous et cherchons. Mm-hmm. Cherchons quoi? Il me semble que c'est pas le réflexe qu'on a naturellement de le faire alors que pourtant on devrait. Mais pourtant on devrait, parce qu'en même temps, de ces collaborations-là venaient différentes perspectives. initiatives, différents projets, idées et le reste. Et donc, ça peut devenir un cadre extrêmement stimulant. Et c'est un peu, ça amène l'autre constat qui est ressorti de cet atelier-là, c'est l'idée que si on veut bonifier un peu la recherche-création dans un but pur de recherche-création, il faut nécessairement aussi développer en parallèle d'un côté une culture de l'innovation ouverte, donc de l'idée de réfléchir collectivement à une recherche pour la recherche, et de l'autre aussi se donner des outils de collaboration, d'échange et de réseautage qui ne sont pas nécessairement existants. En fait, il y a des initiatives comme Technoculture Camp, il y a d'autres initiatives de rencontres qui sont faites, mais c'est pas encore quelque chose qui est généralisé, donc d'avoir un lieu collectif de création, mais nécessairement s'il y a lieu collectif et il y a le réseautage, mais il faut aussi avoir la culture d'une innovation ouverte. Il y a un participant qui a lancé un élément que j'ai trouvé bien intéressant, où il disait éventuellement il faudra que les entreprises, que les créateurs, que les chercheurs réalisent que le produit réel qu'on vend est produit entre très très gros guillemets, même si j'en utilise beaucoup aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la capacité à créer des nouveaux résultats plutôt que les nouveaux résultats eux-mêmes. Parce que dans le fond, des résultats, vont avoir une utilité fixe, mais si on est en mesure d'en créer des nouveaux, si on a la créativité nécessaire pour en créer des nouveaux, c'est la clé justement pour continuer à innover. Et Raymond, qu'est-ce qui est ressorti d'autre des ateliers auxquels tu as assisté? En fait, il y en a quelques-uns qui s'entrecoupaient, et notamment il y en avait un autre dans lequel j'ai assisté, où les organisateurs se posaient la question, est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement de créer un lieu à Québec qui serait à cheval entre technologie et culture, donc qui serait le hub, pour reprendre leur thème, technoculture à Québec, et qui permettrait au milieu de se positionner face à lui-même et de se positionner aussi face à la province, au national, à l'international, de favoriser le réseautage pour profiter aussi des nouvelles technologies, de la possibilité de communication qu'elles offrent, parce que oui, on est à Québec, où on anime la ville, mais il y a aussi des idées, des réflexions qui peuvent être mises à profit, qui ne viennent pas nécessairement du lieu géographique qu'on est en train d'occuper. Et donc, eux se demandaient un peu comment réussir à l'organiser, est-ce qu'il faut que ce soit un lieu physique, de quelle manière le coordonner, de quelle manière réussir à le rendre disponible aussi à la population, à faire que les gens aient envie de l'investir. Donc, c'est un peu une réflexion, j'imagine, qui va être similaire lorsqu'on parle de d'autres projets. On mentionnait tout à l'heure, par exemple, la technoculture. Donc, c'est vraiment, il y a certains de ces ateliers-là qui étaient vraiment, si on me permet l'anglicisme, un brainstorm, là, littéralement, où on se lance des perspectives, des idées. Et il y en a un dernier auquel j'ai assisté qui, lui, s'intéressait plus à la question communautaire. En fait, comment on peut bonifier ou maximiser les opportunités technologiques dans le secteur communautaire à proprement parler. Parce que, de manière générale, il y a quand même un constat qui est ressorti de la discussion qui faisait réaliser qu'il risque d'avoir éventuellement une fracture technologique. Si on développe beaucoup la technologie, il y a des laissés pour compte. Il y en a qui sont laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances ou les aptitudes pour réussir à investir le monde numérique. Et il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement les moyens pour l'investir. Et les participants mettaient de l'avant justement certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans ce processus d'accompagnement-là, parce que il y a une culture à acquérir, mais par contre, eux notaient que dans leur expérience, dans certains milieux communautaires, certains ateliers qu'ils donnaient, où les gens ne voulaient pas nécessairement investir la culture, mais voulaient simplement avoir un service clé en main. Si on peut dire un peu dans l'esprit qu'on a une auto dans la cour, l'auto fonctionne, on peut sortir, rentrer, on a juste à mettre de l'essence dedans. Et donc, pour beaucoup, l'utilisation d'un ordinateur, c'est un peu ça aussi. Alors que c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus complexe que ça à investir de manière intégrale. Alors, il y avait aussi toute cette réflexion qui était portée, donc comment s'assurer que les projets qui sont proposés, mettent en lien les éléments technologiques, puissent être investis par tous, finalement. Donc, de pouvoir s'en servir tout de suite, facilement. Exactement. Et Raymond, si on veut un résumé peut-être un peu plus complet de ton passage au Technoculture Camp, on peut aller sur le site de l'ETIS? Oui, en fait, les différents ateliers devraient être bonifiés de résumés par les participants eux-mêmes, donc à la page titre de l'ETIS, etis.ulaval.ca. Il y a un petit article sur le Technoculture Camp, et il y a un lien aussi vers le wiki de l'événement, donc les gens pourront trouver quelques résumés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns de rentrée, peut-être qu'il y en aura d'autres là, au cours de la semaine, du moins je l'espère. Et d'ailleurs, c'est sur ce site qu'on peut retrouver les chroniques qu'on fait ici dans l'émission Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine? Oui, sans faute. Oui, parfait. Merci beaucoup, Raymond. Merci à toi. Au revoir. Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'ITIS, qui est l'Institut Technologie, l'Information et Société de l'Université Laval.